constater, là, le gouvernement, ce n'est pas le gouvernement français, je crois les syndicats, le syndicat, je ne sais pas quel nom là, c'est le grand syndicat qui se range autour des gilets jaunes, qui continue leur grève, là, qui va bientôt durer je ne sais pas combien de temps, mais ils ont donc déclaré qu'aujourd'hui, c'est la journée, ça s'appelle comment, journée comment? Aidez-moi, journée quoi? Journée noire. Voilà, donc, je suis sûr que vous allez constater aujourd'hui que la journée noire va se refléter même dans la salle. Parce que je crois qu'il y a des personnes qui étaient prévues venir, mais malheureusement, ces personnes-là, à cause de cette maudite journée noire, les pauvres vraiment ont manqué ce séminaire. Et il paraît que cette journée noire va persister jusqu'à demain. Hein? Donc, vous qui avez des courses à faire là, il ne faut pas aller hors du Havre. Et même au niveau du Havre, est-ce que vous avez ressenti cette journée noire? Oui. Ah oui? Bon, donc la journée noire donc, est observée dans toute la France. Et cette journée noire va. Je demande au caméraman de tourner. La journée noire va se refléter par la salle. Pour le constater. Même au niveau de cette salle, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. La journée noire a eu raison sur ça. Parce que tous ceux qui m'ont suivi hier sur le live que je fais brièvement du logis, en fait, là où je suis logé, là. Il y a beaucoup de gens qui voulaient bien venir, mais ils m'ont dit, ben voilà, nous on est bloqués là. Bon, en fait, je prends maintenant ça au sérieux, parce qu'en suivant le journal, ils ont dit, journée noire, dans toute la France, journée noire. Journée noire veut dire, on ne voit rien, on ne va rien voir, rien ne va marcher. Hein? C'est ça, non? Oui. Donc, mais heureusement, là, j'ai quand même du monde qui est présentement ici. Donc aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui va être donc sur, comme nous l'avons tous conclu, sur la purification, et les rites des ancêtres. C'est bien ça? Oui. Et sur ce, j'aimerais quand même vous faire un petit rappel sur ce que nous avions parlé hier. Hier, nous parlions sur la thématique d'hier. Il y a une partie que je ne vous ai pas bien expliquée sur la rose-croix. Il est très important que je revienne dessus. Je ne crois pas que c'est nécessaire que je garde tout ce micro-là comme un bâton devant ma bouche. Je crois que ça peut. Le son est bon là-bas depuis la caméra. Donc, voilà, sur la rose-croix, ce qui est très important, même si vous n'êtes pas rosicrucien, apprenez à faire cette technique-ci. OK? C'est aussi une technique de purification et en même temps une technique d'élévation. Je faisais l'expérience la croix, donc on est ici. Voilà. On est ici, là, voilà. Les mains sont ici. Et la croix, la rose est ici. Donc vous venez là mon petit bonnet que j'avais. La rose, elle est là. Et c'est ici. Et puis voilà, c'est la croix. Mais il ne s'agit pas de la croix du Christ. OK? C'est pas cette croix-là. Il s'agit seulement d'une croix. La croix ancre. Qui revient de l'Égypte. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? La rose symbolise quoi? Il y a plein d'amoureuses ici, là. C'est un beau mari, quoi, devant des roses. L'amour. L'amour, hein? La passion. Ah bon. Hein? La passion. La passion, l'amour et quoi d'autre? Est-ce que sans la rose, il y a la vie même? Est-ce que si on n'a pas de femme à la maison, il y a la vie même? Ça représente aussi le cœur, hein? Voilà, ça représente aussi le cœur. La rose représente le cœur, la rose représente la vie. Donc, je vais beaucoup insister sur la vie, la conscience. Alors, les premiers fondateurs de la rose-croix, qui étaient nos ancêtres, les prêtres en Égypte, ils ne disaient pas rose-croix comme aujourd'hui, comme on voit là. Non, non, non. C'est l'interprétation des fondateurs, Rosencrantz, l'allemand, qui est venu tout modifier. Et puis, les autres maîtres, j'ai rencontré l'empereur Bernard. Grand, grand maître, empereur de la rose-croix en France, c'est possible d'y encore, je dirais déjà moi. Et j'ai entendu parler de l'autre aux États-Unis, qui est également parti, parce que chez les Rosicruciens, on ne dit pas qu'il est mort, mais ils ont voyagé, aller chercher des belles perles, de l'or. Et eux, dans leurs explications, je n'étais toujours pas convaincu par rapport à la définition que moi j'ai apprise auprès de mon grand-père. Voilà ce que mon grand-père m'a dit. La rose sur la croix veut dire quoi? La croix, pas en tant que matière, mais vous-même, vous êtes cette croix. Mais maintenant, devant vous, vous avez, à l'intérieur de vous, vous avez la rose. Et cette rose que vous avez en vous, c'est vrai, quelqu'un a donné la réponse du cœur. Effectivement, quand vous allez bien examiner le cœur n'est ni rouge ni orange, mais c'est à peu près rose. Si vous remarquez très bien la couleur du cœur. Bien. Donc la rose symbolise votre conscience. Cette conscience a une petite taille au départ. Elle est au centre de la croix, n'est-ce pas? La rose est au centre de cette croix. Ça veut dire que votre travail spirituel se fait au niveau de votre centre, c'est-à-dire au niveau de vous-même. Et quand on dit « moi », la main va où ? Moi. Moi. Ok ? Amen. Les mains viennent ici. On ne dit pas « amen » là-bas, « amen » ici. On dit toujours « amen ». On ramène tout ici au centre. Donc, c'est là où se trouve notre rose. Cette rose, donc, c'est quoi ? C'est ça la question. Si vous allez dans une école de rose, quoi, ils ne vont pas tout vous expliquer. Ils vont seulement vous dire que c'est une école de mystère. Bon, quand c'est mystère, ça veut dire qu'il y a secret, ça veut dire que le profane ou le commun des mortels comme vous ne saurez pas. Mais cette information que je vous donne, vous pouvez l'appliquer vous-même, surtout ceux qui continuent à pratiquer l'Ave Maria, ceux qui continuent à pratiquer le culte, je ne sais pas moi, religieux, de notre padre, oh, félicité, justement, notre padre, elle est en train de pleurer pour venir ici. Ah oui? Les trois mamans sont restées, elles sont littéralement très attendues. Je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, je viens d'appeler un ami qu'elle a pris le vaccin. Ah bon, hein? Il faut t'abandonner le bébé. C'est vrai, ma. Anyway, une trêve de plaisanterie, mais en fait, c'est vrai. C'est fait pour moi. Donc, retenez bien que la rose, c'est votre conscience. Ok? La croix, c'est vous. Vous êtes la croix. Parce que sur cette terre, en fait, vous devez vous crucifier sur cette croix pour vraiment vous élever. C'est-à-dire, si vraiment vous n'apprenez pas à passer par les épreuves, vous n'êtes rien. Voilà pourquoi chez les chrétiens, quelque part, il est écrit, vous qui avez tous vos fardeaux là-haut, amenez tous vos fardeaux, venez les mettre ici, au pied de la croix, afin que quelqu'un les porte. Et en plus, il y a une image qui parle de Jésus sur la croix qui dit « Sur cette croix, j'ai pris tout. » Et c'est ainsi que moi, on m'a appris dans la mystique chrétienne. On en parlera demain, n'est-ce pas? C'est de nous aujourd'hui. C'est de nous. Je ne peux pas anticiper, mais quand même, je donne une petite parenthèse. Sur cette croix, lorsque vous priez, les chrétiens qui prient, qui ont un problème de miracle dans leur vie, vous visualisez, vous regardez la croix, Jésus sur la croix. Si vous n'avez pas ce Jésus sur la croix, mais vous l'avez déjà vu sur cette croix, mais fermez vos yeux et vous dites, sur cette croix, je décharge mes peines, je décharge mes problèmes, je décharge mon mariage, je décharge mon chômage, et maintenant à la place du chômage, toi tu as dit sur cette croix, tu as tout pris. Sur cette croix, tu as tout pris. Je crois que les chrétiens devaient connaître cette technique. Hein. Et quand vous faites ça, maintenant vous, en tant que croix, je répète que dans la rose, quoi, la rose, c'est votre conscience. Et dans les enseignements rosicruciens, on vous dira que cette rose, même quand vous partez à l'enterrement, quand vous partez enterrer quelqu'un, faites l'expérience, vous mettez une croix sur sa tombe et mettez les roses autour de cette tombe-là, autour de la croix. Revenez un an plus tard, qu'est-ce que vous allez constater? Pardonnez-moi, moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les tombeaux déjà. Je faisais la nécromancie. La rose fait quoi? Bien fait. La rose finira par grandir tout autour de la croix jusqu'à ce que... Exact. Et la croix va disparaître. C'est ainsi que donc la croix a disparu parce que la rose a pris place. Donc dans la rose croix, c'est un peu la situation métaphysique. Ça veut dire que la rose croix, il faut faire fleurir cette rose au sein de vous. Afin que cette rose-là grandisse et prenne toute votre croix, en d'autres termes, votre conscience, éveiller votre conscience, l'éveil de votre conscience consiste pour vous de pouvoir développer, au fur et à mesure que vous avancez dans la spiritualité, au fur et à mesure que vous faites tomber le vieux masque, au fur et à mesure que vous vous dépersonnalisez, c'est-à-dire vous faites tomber les vieilles habitudes, votre conscience ou votre rose commencera maintenant à grandir. La rose va grandir. La rose grandit. Et enfin, quand vous avez atteint un état vraiment de maître, donc vous maîtrisez maintenant tout, la rose aura tendance à prendre tout votre corps. En d'autres termes, Si vous étiez quelqu'un qui aimait trop, moindre chose, coup de poing. Maintenant, la main est influencée. La main a été est remplie de la rose. La rose a pris les mains. Si vous avez l'habitude de taper les coups de pied aux gens, le pied, la rose a pris le pied. Si vous aviez un mauvais cœur, le cœur est complètement inondé de la rose. Si vous aviez des pensées bizarres, nocives, injectueuses, empoisonneuses, ben même votre cerveau est maintenant rempli de la rose. Mais ces genres d'enseignements, la discussion ne peut pas vous l'expliquer. Donc, en d'autres termes, la rose, quoi, c'est quoi? C'est la transformation. D'abord, l'éveil de votre conscience, laquelle conscience va au fur et à mesure grandir en fonction. C'est pour cela qu'ils ont établi des degrés, degré 1 jusqu'au degré 10. Mais moi, j'ai établi seulement 3 degrés. Ces degrés passent par la préparation, la purification et la perfection. J'ai expliqué ça déjà dans cet enseignement. Donc, votre conscience grandit donc sur ces 3 dénominateurs-là. Tout comme chez les maçons, vous parlera des 3, mais en réalité, il y a 33. Mais c'est toujours le chiffre 3 qui vient. Parce que 3 plus 3, c'est 6. Mais si vous divisez 6 par lui-même et divisez par 3, ça donnera toujours 3. Donc, la conscience, la rose, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que je n'ai pas pu dire hier. En fait, la pensée s'est vaguée parce que je lui ai demandé de mettre mon chapeau ici, mais après, je ne l'ai pas développé. Il y avait trop de choses dans la tête. Donc, maintenant, retenez bien que cette rose-là, elle symbolise votre conscience. C'est juste au cœur, parce que c'est à partir de votre cœur que vous devez faire le grand travail. Vous n'êtes pas d'accord avec moi que tout se passe au niveau de votre cœur. C'est ça. Avant de tourner ta langue, c'est toujours le cœur qui pense d'abord. Avant de porter main sur quelqu'un, c'est toujours le cœur qui pense. Avant de commencer à murmurer sur quelqu'un, c'est toujours le cœur qui pense. Donc, voilà pourquoi les grands fondateurs en Égypte avaient concentré leurs énergies pour dire aux gens que cette rose qui est au centre de la croix là, en fait, vous êtes la croix. Nous-mêmes, nous sommes la croix déjà. Parce que cette croix symbolise à la fois la vie, la mort et la résurrection. Je répète que la même croix que nous sommes là, ça symbolise à la fois la vie, la souffrance, la mort et la résurrection. Pourquoi? Parce que dans la vie, on vient sur terre, on grandit, mais quand on grandit là, les problèmes vont commencer aussi. Et vous allez traverser les périodes de souffrance, n'est-ce pas? Et ces souffrances feront en sorte que vous allez même mourir. Moi, j'ai vu des gens abandonner. Hein. Ah, moi, j'en ai marre. Cette personne à qui j'avais confiance, mais mon Dieu, pourquoi elle me fait ça, il me fait ça? Voilà, que je me Amania. Et même dans la famille, il y a des divisions maintenant. Et là, vous êtes mort. Vous allez mourir. Ça vous prendra du temps pour vous ressusciter. Donc, votre quoi va se ressusciter, c'est lorsque vous prendrez conscience. Lorsque vous prendrez conscience qu'en fait, mais pourquoi je veux garder dans la personne? Pourquoi je vais en vouloir celle-ci? Et ça me bloque moi-même. Nous sommes d'accord que lorsque vous injectez des pensées sur l'autre, ces pensées-là vont en réalité chez qui? C'est vous-même. Si vous murmurez trop sur quelqu'un, assurez-vous que les murmures vont revenir vers qui? Et c'est ainsi qu'il y a quelqu'un, un vieux sage, qui était président, qui a dit « Chien à moi, hein, mon caravane passe bon. !» Ça veut dire que tout ce que vous allez dire, ça lui tombe sur les épaules, ça. Parce qu'il y a des phénomènes, c'est la loi du karma. La loi du karma, c'est que tout mal retourne toujours à la moyenne. Il faut retenir cela. Parce que surtout si la personne est bien protégée. Si elle n'est pas protégée, peut-être. Voilà pourquoi le livre de Jean, je crois, il est dit quelque part qu'au commencement était là. Et la parole là était Dieu. Et elle était avec Dieu. Mais la même parole devint chair. Elle vit parmi nous et tout. Bien sûr, les gens maintenant disent, oh, attends, ça c'est Jésus. Jésus est venu, il a fait ceci, cela. Chacun est libre de l'interpréter. Mais du point de vue métaphysique, ça veut dire seulement que la parole, c'est ça qui donne le pouvoir, que nous sommes tous des créateurs. C'est aussi simple. Par la parole, vous pouvez créer. Par la parole, vous pouvez maudire. Par la parole, vous pouvez tuer. L'éveil de la conscience, c'est ça notre sujet, je ne veux pas me divaguer. Donc, votre éveil de la conscience est symbolisé par la rose sur la croix. Cette rose qui est sur la croix symbolise l'éveil de votre conscience. Au fur et à mesure que votre conscience s'éveille dans tous les plans, à travers les 3 degrés, ou à travers les 33 degrés maçons, ou à travers les 10 degrés de Rosicrucien, ou à travers les 3 piliers du Bouti, ou à travers combien de piliers dans le djembé, quelqu'un qui était ici dans le djembé, dites-moi, hein, les 36 chambres du djembé, ou les 36 chambres du Shinping, et toutes autres pratiques, toutes ces pratiques vont faire en sorte que votre conscience, qu'on appelle ça, votre rose va grandir. Et la rose grandit simplement en fonction de votre éveil de la conscience. Éveil de la conscience veut dire quoi? Parce que ça, c'est le deuxième jour. Éveiller la conscience, c'est non seulement avoir accès aux connaissances, et ces connaissances doivent avoir une transformation dans notre vie. Une transformation lente, ça dépend de la personne. Il y a des gens qui prennent des transformations lentes. Ah, ça peut attendre. Moi, si là, moi, je parle trop mon Congo, ça, non, je ne vais pas abandonner tout de suite. Je vais attendre. Mais quelqu'un nous dira, ah, le Congo, c'est là, ça m'entraîne des ennemis dans ma vie. Ah, non, non, non, moi, je vais changer radicalement. Donc, il y a des changements radicaux. Il y a ceux qui changent radicalement, il y a ceux qui changent lentement, à pas à pas. Donc, ça dépend. Donc, ça, c'est ce qu'il fallait retenir. Que la rose symbolise l'éveil de la conscience, ça symbolise la conscience. Et que cette rose qui grandit autour de la croix, prend forme de la croix, ça veut dire que votre éveil, la conscience, d'abord individuel, rentre en connexion à la conscience divine que les humains appellent Dieu. Donc quand Dieu a maintenant pris contrôle de toute votre vie, rien n'est plus impossible. C'est lui qui l'a dit quelque part, que maintenant désormais tout ce que vous demanderez à mon Père, il vous sera toujours accordé. C'est là où la rose maintenant a entouré toute votre croix. Et l'exemple matériel que j'ai donné, je l'ai observé moi-même, je ne peux pas venir donner l'enseignement si je n'expérimente pas. J'ai fait l'expérience sur la croix de ma tante, je suis allé déposer la rose. J'ai dit, mais attends, moi j'ai lu ça dans le livre tibétain, là, que la rose là va vraiment, je vais voir. J'ai mis le truc le 1er novembre, et le 1er novembre, l'année qui venait, je trouve la rose a carrément pris forme là autour de la croix. J'ai dit, waouh! Et je viens même toucher la rose. Et la rose réagit, elle dit, oui, oui, je suis là, je suis vivant, je suis bien la rose. Donc, vous voyez, les grands maîtres à l'époque, les prêtres en Égypte, savaient, les enseignements qu'ils donnaient, que ça avait vraiment un sens. Ce n'était pas de l'imaginerie. C'était vraiment vécu au sens propre du terme. Donc, désormais, quand vous entendez le mot rose, quoi, ne la voyez pas comme les rosicruciers africains qui vont sacrifier leur aîné et se leur attendre. Non, non, non. Voyez ça plutôt comme votre propre éveil, l'éveil de votre conscience. Et cet éveil, la conscience passe de manière soit brutale, radicale ou bien lente. L'âme, vous avez compris. L'éveil de la conscience lente, pour certaines personnes, ça veut dire quoi? C'est les personnes qui disent non, ça doit d'abord attendre. Je dois d'abord continuer à commettre mes adultères. Hein. Quand je serai un peu plus vieille, il y a 55 ans, je vais me stabiliser. Ah oui, ça arrive. Il y a des femmes qui font les calculs comme ça. Mon mec là, il est trop moche pour le manger. Je ne dis pas. Bon, écoutez, ne prenez pas mes exemples personnellement, c'est juste les esprits qui parlent. Maintenant, nous allons aborder le sujet pour aujourd'hui. Nous allons parler de la purification. Bien. Dans la purification, qu'est-ce que c'est la purification? Est-ce que beaucoup d'entre vous allez voir les charlatans aller vous faire purifier? Oui. Ah oui, oui, ça c'est très courant hein, chez les Africains. Ah, Nganga, oh, vraiment, monsieur, je veux que vous me lavez le corps, vous lavez mon corps. Ils appellent, on appelle ça la purification. N'est-ce pas? Donc, dans notre tradition africaine, c'est très courant. Les gens cherchent à se purifier. J'ai consulté combien de personnes ce matin? 4 personnes. Bien. Yeah. Parmi les 4, bien sûr, je ne veux pas parler de leur business, mais parmi les 4, 3 ont beaucoup insisté sur l'histoire de purifier le corps. On vient d'abord expliquer notre problème quand maintenant le passé à la fin. Oh maître, j'ai oublié. Mais les consultations sont finies. Ah, attendez, pardon. Il faut me purifier aussi, hein. Ah là là. Vous voulez vous purifier maintenant, aujourd'hui, là, alors l'heure est passée. Donc la purification préoccupe. Nous avons constaté dans les cycles spirituels et mystiques que 80% souvent des gens sont préoccupés par les histoires de purification. Je vous donne la définition. Soyez en patience. Et entre-temps, au passage, je vais signaler aux gens que je ne suis pas charlatan. Parce que là, je vous dis, je reçois les appels de partout, non seulement de vous, même depuis une autre ville là, je ne sais pas, la ville de mon pays, je crois que ça devait être ma soeur. Oh, attends, mais bien, pardon, mais vous avez bien là, mais quoi? Me dire, eh bien, vraiment, papa, on oublie, tu es arrivé. Vraiment, j'aimerais que tu viennes regarder mon corps. Je dis, mais mon Dieu, je suis un mec initié. Vous avez vu, sur la carte que je vous ai donnée, c'est écrit quoi là? Vous n'êtes même pas posé la question, mais ça, c'est qu'elle dit. Vous n'avez pas regardé la logique? Logologue. Ah oui, qu'est-ce que c'est un logologue? Logos, c'est... C'est vraiment un logologue. Je n'ai pas regardé le logos. C'est même pas le logos. Qu'est-ce que c'est un logologue? Donc personne n'a même posé la question. Hein? Même si ça veut dire, je vais venir t'assassiner. Et vous l'acceptez comme ça. Hein? Même si j'ai dit, bon, après le stage, tout votre argent va disparaître. Je vais amener ça mystiquement. Bon, logologue, ça ne reflète pas. Ça, c'est une vieille carte que j'ai près de bientôt peut-être 15 ans, combien d'années. je ne voulais pas exiger ma carte professionnelle parce que ça n'a rien à voir. Je suis clinique-thérapeute, alors je suis psychothérapeute. Oh là là, les Américains, si je leur dis je suis clinique-thérapeute, ils ne vont pas comprendre ce que ça veut dire. Hein. Je suis psychothérapeute. Vous décomposez les deux mots, ça veut dire thérapeutique par la psychologie, thérapeutique par les conseils pratiques. Et on va à l'école pour ça aux États-Unis. On vous donne un diplôme. Donc, surtout pour les gens qui ont des problèmes de société, de fonctionnalité. Donc, c'est-à-dire quelqu'un, ok, je vous trouverai une carte. Par exemple, les gens qui ont des troubles mentaux. Pour votre information, les troubles mentaux, ce n'est pas la folie mentale. Ok, il faut bien retenir ça. Les troubles mentaux, c'est quoi? Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive. Quand je suis très, très... Par exemple, là, j'ai fait un long voyage de 3 ou 4 jusqu'à présent. À un moment, je pense que je m'envole même. Parce que j'ai fait 3 nuits sans dormir. Je pars des États-Unis d'Amérique, j'arrive ici. La voiture... bon, je ne mets pas le blâme sur l'équipe. Hein. C'est des problèmes. Il y a eu des malentendus. Elle fait sa réservation online. Hein, on va là. Oh oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que c'est le mec qui a volé l'argent. Et on se pointe là, je suis tout content. Ouais, je vais aller dormir. Non, non, non, monsieur ou madame, non, mais non, non, non, c'est plutôt ceci. Oh, attendez, il y a une nouvelle voiture qui sort de l'usine là. Oh, non, non, ce n'est plus ça. Mais vraiment, on dit, mais c'est pas possible, c'est quoi cette affaire? Donc le séminaire n'aura plus lieu ou quoi? Bref. Ah là là. Viens. Logologue. Un logologue, c'est, ça vient du mot logologie. Vous avez déjà rencontré ce mot quelque part? Non. Waouh. Donc maintenant, là, votre homme de serviteur, hein, il va créer même un dictionnaire à lui. La logologie, c'est la science des sciences. La logologie, c'est l'étude de la science des sciences. C'est tout. La logologie, l'étude de la science des sciences. Parce que logologie vient de logos, comme quelqu'un l'a dit. Mais logos veut dire quoi? C'est science-connaissance. Science-connaissance, ouais, c'est ça. Science-connaissance. Okay? Logos. Donc, logologie, c'est l'étude de la science des sciences. Un logologue, c'est quelqu'un qui est dans cette étude et qui est maître des mystères. Voilà pourquoi en bas, dans ma carte, j'ai pris le soin d'expliquer ce que ça veut dire, un maître initié des mystères. Et comme j'ai aussi un diplôme en parapsychologie, on appelle ça l'étude du paranormal. Comment à chaque fois que j'appelle Félicité, comment à chaque fois que je pense à Félicité, et bizarrement, même pas 2 minutes, elle m'appelle. Ok, ça, elle doit être sorcière ou bien, comme on dit chez nous, elle doit avoir un bon cœur ou bien un bon vampire. Voyez-vous, c'est ce genre de choses qu'on dit souvent en Afrique. Vous pensez à M. Tartampion et la minute qui suit, il vous appelle. Okay? Ça, c'est l'étude du paranormal. Mais il y a des gens qui étudient ça. Et moi, j'étudie ça à travers une école qu'on appelle Alpha International, par Bernard Rancelot. Il vit encore, il est là-bas à Montpellier. Bon, c'est vrai qu'il est maintenant trop vieux maintenant. Il doit donner la relève à quelqu'un d'autre. Il était hypnotisé de spectacle. Purification. Quand on prend sa douche, on se purifie. De manière naturelle. Parce qu'on a la poussière. On a la mer nature elle-même. Vous sortez là, vous prenez la douche tout de suite. Vous allez vous frotter bien le corps, même là, le javert. Dès que vous passez seulement, vous sortez votre nez là. Vous êtes déjà exposé. Parce que la mer nature va toujours vous déposer de la saleté, d'une manière ou d'une autre. La mer nature elle-même n'est pas propre. Donc le fait que vous preniez l'eau, vous lavez le visage, vous baignez. C'est de la purification déjà. Vous purifiez votre corps. Parce que vous ne voulez pas que le corps soit qui va sentir, dégager mauvais, ou bien plusieurs raisons. Vous voulez être propre, en un mot. Okay? La purification, ça peut être aussi, j'ai été musulman, des fois je pratique les rites musulmans, on appelle ça les ablutions. Vous prenez l'eau, vous vous lavez les mains, vous vous lavez le visage, les narines, les oreilles, tout. C'est aussi des techniques de purification chez les musulmans. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas un bon musulman. Et même avant de faire l'amour à sa femme, il va pourrir vite s'il fait ça. Dès qu'il a fini de faire l'amour, même pas le temps de bien faire les câlins, là, il court. Il va aller se laver. Parce que chez eux, c'est une tradition. C'est la purification toujours. Parce que entre une à cinq minutes devant l'âme, il a déjà péché, même s'il est légalement marié à la femme. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés écouter ça, mais pour moi, je dis, Dieu t'a créé, bon, il s'en fout de tes activités sexuelles, lui, hein. Qui vous a déjà béni? Bref, chacun interprète ça comme ça. Ça, c'est aussi une technique de purification. Je peux vous amener trop loin dans la liste des purifications. J'essaie de collecter quelques exemples. Mais la purification qui nous intéresse aujourd'hui, elle est beaucoup plus métaphysique. Bien que la purification physique importe, n'est-ce pas? Parce que vous ne pouvez pas venir prier Dieu, vous êtes tout sale, votre caleçon est là, il y a eu des restes de quelque chose sous ces caleçons, tout est partout, tout est désordre, et vous vous mettez à genoux, vous dites, Allah, par Dieu, viens vite, viens vite. Je ne crois pas que ça marche comme ça. Ça va être compliqué. Ok? Donc, j'ai presque fait le tour de tout ici. Maintenant, nous allons parler des purifications au sens spirituel. C'est ce qui vous intéresse tous. Et vous verrez, il y a certaines religions, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, et même dans le soufisme de l'islam, le soufisme, c'est la voie mystique de l'islam, rarement ils vont vous serrer la main. Ils n'aiment pas ça. Parce que pour eux, ils se disent, ah, et dès par erreur, vous forcez de prendre sa main, il va courir, aller se purifier. Parce que ils n'ont pas tort. En métaphysique, on a étudié ça que l'homme, en général, tout ce qui est en nous, nous sommes ce qu'on appelle un élément. L'homme est un être qui émet des ondes électromagnétiques, tout comme il peut recevoir des ondes électromagnétiques. Okay? C'est pour cela, par exemple, chez les Américains, généralement, quand quelqu'un, je vais prendre qui comme madame, vous pouvez mettre debout. Bien, chez les Américains, souvent, ils disent « give me some space », ça veut dire la seule... Non, non, la distance, c'est ici. Donc, si on se met à parler, il faudrait que je m'explique aussi. Voilà. Ou encore ce mot. Chez moi, en Afrique, on a tendance à s'approcher de l'autre comme ça. Chez les Américains, ils vont se taper pour moi à la gueule. Ah oui, ils vont dire « wow, wait a minute, get away ». Donc, eux, ils veulent « let give me some space ». Donc, ils mesurent ça de cette manière. Et même moi, en psychiatrie, quand je vais parler aux fous, ceux qui sont vraiment fous, hein, c'est-à-dire schizophrènes, qui sont vraiment fous, irrécupérables, et souvent on est très prudent. On garde jusqu'à 3 mètres de distance et puis on parle à la personne. Mais un être normal, c'est 1,50 m et on regarde dans le visage pendant qu'on parle. Et voyez-vous que chez nous en Afrique, c'est un manque de respect si je regarde la grande soeur avec comme ça. Elle va se dire, ah, ce jeune homme-là va me charmer. Ou bien, qui est-il? Il est impoli. Voyez-vous? Mais chez les Blancs, c'est différent. Vous regardez ça. C'est ça. Mm-hmm. Donc, si on parle même collé comme ça, donc, la purification a pour objectif, donc les purifications aussi spirituelles, c'est par rapport à ça. Parce que chaque être humain dégage certaines effluves. Ces effluves-là, c'est quoi? C'est certaines énergies. Okay? Donc, par conséquent, il vous est recommandé de toujours vous purifier. Parce que si elle, vous êtes mariée, madame, si vous me dites. Ok, voilà. Elle est mariée. Et je ne connais même pas son mari. Et puis, là, je m'adresse aux jeunes qui aiment me recevoir. Il a encore tout, mais ça, c'est mon bébé. Bon, lui, je suis célibataire. Hein? Bon, je ne vais pas vous attaquer personnellement, mais c'est pour vous dire que quand vous êtes célibataire, hein, si vous êtes divorcé, comme nous autres, mais je vais rassurer vous que je ne suis pas copine. De poils, je ne m'intéresse pas aux femmes. J'aime bien les femmes, mais ce n'est pas bon. Pourquoi vous êtes pas bon? La femme qui est mariée, si vous allez vous approcher, j'ai un enseignement que je passe là-dessus, ça peut ne pas être elle, mais son mari peut avoir certaines énergies. Et ces énergies-là, elle les traîne sur son sillage à cause de quelque chose qu'on appelle l'accoutumance et l'habitude. Par accoutumance et par habitude, les deux qui s'assemblent se ressemblent. Donc tout ce que le mari fait, elle va encaisser. Et elle aussi, tout ce qu'elle va faire là-bas. C'est comme ça. Et c'est pour cela que c'est très important quand vous rentrez dans les relations, là, de faire le mariage, faites très attention. C'est compliqué ça. Voilà pourquoi aux États-Unis, ils ont créé une règle qu'on appelle le compagnonnage. Compagnon. Oui, on se sent mieux comme ça. Moi, je pense à ça. Si je dois avoir une femme, c'est ma compagnon. ma campagne. Ah oui, c'est ma campagne. Oh. Vous pouvez vivre ensemble, mais sauf qu'on n'est pas légalement. C'est trop de contraintes. Bref, c'est là où la purification intervient. La purification, donc, c'est simplement une technique qui vous permet de dégager votre aura de toutes les énergies et les effluves négatifs. C'est ça, c'est la purification. La purification, donc, c'est la technique en langage africain qui vous permet de libérer votre âme pour que votre âme soit pure et claire et que vous n'ayez plus ce qu'on appelle les malchances. Mm-hmm. Parce que si vous ne vous purifiez pas, vous allez avoir les malchances. Ça veut dire que vous portez sur votre corps, on vous appellera monsieur à palabre ou madame à palabre ou madame à malchance. C'est pour cela que dans les relations, avant de rentrer dans une relation, attention, faites très très attention parce que il y a des hommes et des femmes qui portent. La poisse. Qui portent quoi? La poisse. Ah non, je vais changer de mot. Qui portent malheur? La guise. Qui portent malheur? Voilà. Il y a des hommes qui portent malheur tout simplement parce que la personne est impure. Et quand on parle d'impur, ce n'est pas forcément avoir huit sexes. Je parle d'impur, c'est-à-dire que son âme, son esprit, hein, vous ne connaissez pas. Par exemple, une femme, cela, ça, j'ai pris beaucoup de temps, j'hésitais, j'ai dit, mon Dieu, les gens vraiment vont avoir peur de moi. Le fait que les gens me voient sur vidéo, maintenant, je veux voyager à gauche, à droite, les gens de Martinique là-bas, ils vont m'attendre, ou en Chine, je serai là-bas, en Russie. Ah là là, là là, les gens vont découvrir, mais ce type-là, il est dangereux. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute femme, qui que ce soit qui me voit à travers le monde, dira, ah, lui là, si je veux le prendre là, mais c'est grave, je vais avoir comme tous les esprits avec moi. Mais, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont très maîtres, qui maîtrisent la science, mais ils sont trop pointus, pour ne pas dire trop exigeants. C'est comme les femmes. Hein? Je connais une sœur femme là, qui travaille avec moi en chef. Elle avait le haut grade de la rose quoi, dans tout le Gabon. Madame Zia, voilà, je me rappelle. Joséphine. Alors là, cette dame-là, elle faisait peur. Et elle était occupée une fonction de directeur, même à chef. Mais dommage, belle femme, poitrine provocante. Pardonnez-moi, on est mal envié. Belle femme, toutes vous êtes belles également. Mais elle avait une particularité, une poitrine trop provocante. Alors là, même moi, à l'époque, quand j'étais jeune, oui, bonjour madame. Mais aucun homme ne pouvait l'approcher. Et pourtant, elle était très gentille. Elle vient là, elle s'assoit, elle avait un charisme, elle avait tellement maîtrisé la vie, et vous pouvez voir en elle. Vous allez l'engueuler là, vous énervez n'importe comment, elle est là toute calme, son pied droit sur le pied gauche. J'espère que vous savez ce que ça veut dire quand quelqu'un pose le pied droit sur le pied gauche, non? Tout le monde connaît ça? Non, non. Quand elle pose son pied comme ça, elle est là, elle est calme, elle ne bouge pas. Et quand elle répond, c'est toujours à voix douce. Elle avait toutes les qualités d'une femme. Mais quand vous allez apprendre, oui, c'est elle qui est le grand, le plus grand maître de la rose, quoi, au Gabon. Et vous partez dans sa maison, vous entendrez. Oh, tout!